gens et me laissent transpercer les sens par couleurs, arômes différents. Ils traversent mon corps, mes oreilles, ma nuque, mes deux joues, mes deux seins, mes tempes, ces ondes stridentes et grises, aussi lentes que mon chien. Dans le paroxysme haut et bas, et bien à l'aise, tambourinant, autour de mes yeux empourprés d'un glace imminent. Mes oreilles se rosent flottant dans un silence silent, guidant mes yeux de ciel en arc, vibrant une chamade de battant. Qu'il fait sombre, je me sens partir. Aurais-je enfin tiré le cran? Exposons non pas un mot, un fidèle vassal de l'idée, mais plutôt mon corps qui me quitte dans un champ de mine déconfite. Ce poison qui m'échafaude.